06, mon pote encore. DJ Diez, écoute. Show. Le mic RAZI, valorise. Fuzz lyriciste. Ouais. MF. Tu savais pas, le baiser est vainqueur. Toi t'es baisé, ils t'ont mis la rage qu'à 13h20. C'est député, juge, clan de trésorier, feinteur. Réputé juste, plante mes frères et sœurs en plein cœur. J'vois mes proches souriant, certains ont leur boussole vers le Proche-Orient. Ces chiens c'est au sous-sol que leur poche s'oriente. Leurs fiefs sont des terres sales, leurs pièges sont détectables et leurs sièges sont éjectables. Pour eux, si tu tues au boulot, c'est wicked. Surtout fais gaffe si t'as bu au goulot leur liquide. Hein. Chez moi, le rêve, c'est Eric qui te rappelle les flippers, le train et tout. Ben à la porte, les huissiers voulaient la télé et le magnéto. Donc en bas, obligé de s'allier tôt. Les filles de se marier tôt, les bavards de pas parler trop. Et puis tu rentres dans la danse, d'où on te parle. Du ventre de la France, où on prend de l'âge, mais pas le large. Il manque de la chance. Donc on se met en bande dans la chanson. On écrit, on pose, on prend la rançon. Ma clique vit pas dans le mensonge. La vérité claque à chaque réveil. Quand t'as rêvé de string et des fonds d'Onazis, et que t'ouvres les yeux, il te reste plus qu'un stick et un fond d'Oasis. Mes frères sont des gens stricts, mais qu'est-ce qu'ils font aux assises? Tu les vois dans la street, tu sais ce qu'ils font aux racistes. Et valorise la pierre en déplacement, qui monte en flèche dans vos classements, qui lance des flèches dans vos placements. Et merde, il est temps que je m'approche, méfie-toi de ma taille, mon corps en forme de sac d'os. J'ai la force de frappe pour vos sales boss. C'est fini les scènes, les balles gratos. Mon mic mitraille la bague proche. Et ouais, quand je rappe, c'est fastoche. Quand je t'appelle sur ton phone, pourquoi tu me raccroches? T'es comme ce traitement, t'es qu'une batte pioche. Au passage, le grand maître me préserve d'un enfant, d'une femme fausse ou d'une bande de tapettes. Quand j'aide dans la fosse, on parle de faire du fric sur des sièges baquets. On parle de faire le vide, mais le cœur est bloqué. On parle de faire équipe, ils veulent me voir craquer. On parle de ma ville. Estomaqué, leur délire pharaonique veut nous maquer. Le bus m'a trompé, comme voir le mal du turf déraper. Leurs gueules sont clappées, les grandes gueules se faire éclater. Ouais, c'est du gargal à huis clos. Bientôt dans les bacs dispo, au milieu de Benabar au bispo. Cesse ton verbiage de bistrot, tes messes basques en distro. Ton langage d'aristo, moi j'ai la bombe par la page B du dixo. Ils s'étonnent pourquoi mon rap casse leurs points vitaux. Ta basse, ton rap à base de pipo. Et mec, qu'est-ce que tu parles de libido? Ok, le mic RAZI, le 06, la capitale du flow. Ok.